boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Voilà bien longtemps que Raskolnikov ne nous avait rendu visite, y a pas à dire, leur Albert est toujours aussi bon, et puis surtout, restez en alerte, la date de sortie de leur nouvel album se rapproche forcément, affaire à suivre. Passer du Raskolnikov en pleine guerre en Ukraine, c'est gonflé! Arrête la voix off, tel le bof moyen, tu mélanges tout. Save us. Ce soir, votre pop and rock va remonter le temps histoire de ranimer un nouveau cadavre exquis du rock. Non, pour une fois, on ne parlera pas Agora Fidelio, quoique plus tard peut-être, mais ce soir, nous allons ramener à la vie le trio Ner, que nous vous avons déjà proposé, notamment avec ce titre. Regardez les contours, les œuvres alentours, estimations confondues, encore le même discours que l'on nous distribue. Regarde ça, des ruisseaux d'étoiles, un nuage de poussière estompe l'atmosphère. Si près du soleil, tu ne vois que la lumière par cette infime étincelle. Si près du soleil, tu ne vois que la lumière par cette infime étincelle. Où ça? Plantation de Nova, la dentelle réverbère, la nébuleuse en éclat, garde un pied sur terre, c'est tout ce que j'espère. Cherchez pas, Ner est invisible sur les plateformes de streaming légales et bien pensantes. Ner n'est plus, à ma connaissance, deux EP, dont peut-être un album qui s'appelle Nerf, et un deuxième truc qui s'appellerait Transmoderne. Leur disparition n'a laissé que quelques traces datant de la fin des années 2000. La fille et les deux gars de Ner se réveillent ce soir dans votre pop and roll. Si Je ne sais si Nerf vous a plu, par contre j'ai la certitude que d'autres titres de Nerf reviendront ce soir au 104.6 dans Pop & Rock. Partent en vrac. Comment je suis un enculé en fait. Mais je n'ai rien dans le sac. Je n'ai surtout plus rien dans la tête. Je n'ai plus rien dans la tête. Je n'ai je n'ai rien compris. Comment te dire que je suis à la masse. Je me suis satisfait du parasite. Mon potentiel est resté sur place. Mon potentiel est resté sur place. Mon potentiel a stagné. Mais il me reste que peu de temps. Du moins suffisamment pour foutre la merde. Et toi t'as qu'à danser, t'as qu'à danser. Allez danse, si je t'emmerde. Je ne veux plus de l'entame. Négligence ou simple flemme. Comme dirait l'autre, j'ai perdu la flamme. Je n'en reviens pas moi-même. Je n'en reviens pas moi-même. Je n'en reviens pas, tu sais. Mais il me reste que peu de temps. Du moins suffisamment pour foutre la merde. Et toi t'as qu'à danser, t'as qu'à danser. Allez danse, si je t'emmerde. Mais il me reste que peu de temps. Du moins suffisamment pour foutre la merde. Et toi t'as qu'à danser, t'as qu'à danser. Allez danse, si je t'emmerde. Ouais, ce soir, Pop & Rock est très rock français. Bah ouais, dis donc. N'oublie pas, ici, c'est Pop & Rock, c'est pas Radio Le Zinc. Ah ouais, pas faux. We'll be right back. c'était assez rock là ? Ouais, t'as pas mieux ? Hein ? Pas mieux ? Sister, what have you done? Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, who's the one I want? Hey, little sister, shotgun. Oh, it's a nice day to start again. Ooh, yeah, nice day to start again. Hey, little sister, what is it you wish? Hey, little sister, what's your nice wish? You see, I've been away for so long. I let you go for so long. And hey, little sister, shotgun. Oh, it's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. Ooh, yeah, nice day to start again. Take me back. Eh ben, niveau bof du rock, t'y vas fort. Ouais, c'est aussi ça, pop and rock. She gave an answer to my blues. license for love. And if it expires, I pray him from above. Because in a midnight hour, Chicago, Moscow, yeah, with a rebel, yeah, Chicago, Moscow, wow. In a midnight hour, Chicago, Moscow, with a rebel, yeah, Chicago, Moscow, yeah. She don't like sleeping, she won't sit and bake. But when I'm tired lonely, she sees me deeply. I said, what set you free? What brought you to me, babe? What can set us free? And even hear about me? Because in the midnight hour, she got more, more cold. With a rebel yell, she got more, more cold. Midnight hour, she got more, more cold. With a rebel yell, more, more. If there's ever is forever, it's the next city to go at the seventh and ever. Take me. It's a long, and don't fuck up my dinner. People are making love over here, motherfucker, yeah! Shut up, yeah! Do you feel alright? I feel alright. Do you feel alright? Do you feel alright? Do you feel alright? I feel alright. secret life. There's no secret you can steal. Your lips are forbidden, but I will never know what they mean. Kisses that burn, love it burns. Tu nous fais la gueule? Oh oh! Bon, pour le faire revenir, on va lui mettre le troisième nerf du soir pour le calmer. Oh, nerf pour se calmer! Oh oh! Jeu de mots, aurait dit Maître Capello! Communiquer. Merci la voix off et n'oubliez pas, vous êtes bien au 104.6, comme tous les lundis entre 17h et 18h, c'est Pop and Rock. Avoir vu le monde en sommeil, la folie, l'heure perdue. Nair, c'était donc la fin des années 2000 avec un premier EP Nair suivi de trance moderne. Si de votre côté vous avez des nouvelles du trio rock, faites passer en attendant. Agora Fidelio ? Eh ouais. Rien à manger, car j'ai tout donné à l'aller.